Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Le député maire Daniel Baclen fait l'objet de menaces de la part des islamistes à cause de sa loi burqa. Mais pas question pour lui de changer de vie, Daniel Baclen continue à faire du tricot. Il vient de l'annoncer, Brad Pitt va épouser Angelina Jolie. Bon, ils se sont un peu obligés de se marier avec Angelina, Brad Pitt a les boules. Basket en NBA, Rajon Rondo n'était plus qu'à 7 matchs d'égaler Magic Johnson. Il a été à l'origine d'une grosse bagarre générale et a donc été expulsé. Rajon Rondo va se faire basser. Après le licenciement de l'un des leurs, les bus de la tech de Jmeppe-sur-Meuse ont décidé de faire grève. Exactement, à tel point qu'on a compris la signification du mot tech. C'est-à-dire ? Oui, toujours en congé. Facile. Et pour terminer, si vous aimez le désert et les bons morceaux de viande, faites-vous cuire un chameau brillant. Ça a l'air bon, ça tient. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Bon, Ludo, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Ok. Le principe est simple, une minute pour discuter avec Aline, grand maximum. Le principe donc, arriver à discuter pendant une minute sans dire oui, sans dire non et sans dire tu. D'accord? Okay. Bon, toi, tu ne dois pas dire ces mots-là, évidemment, elle non plus, mais par contre, tu dois tout faire pour les lui faire dire, ça tombe sous le sens. Si tu y arrives en moins d'une minute, c'est gagné, l'iPod est pour toi, si tu n'y arrives pas, évidemment, c'est perdu. On y va, Ludo, t'es prêt? Oui. Allez, c'est parti, go. Ludo? Allô? Ça va? Ça va et toi? Très bien. Quoi de beau? Quoi de beau? Ça va, ça va. Et toi, tu fais quoi de beau? Hop là! C'est ça! Ah là là là là, Ludo, tu fais quoi de beau? Ni oui ni non, ni tu, malheureusement. Ah là là là là là là. Pas évident. Bon, bah c'est pas grave, hein, Ludo, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu retentes ta chance quand tu veux, en tout cas. Un petit message. Mais bien sûr, vas-y, profite. Bah, je sais pas si elle m'écoute, c'est ma petite femme qui prend la route. Oh, ah non, donc, non, elle vient de m'envoyer un SMS, elle est avec un autre mec. Actuellement. Non, il n'y a aucun problème. Bon, bah oui, donc. Bah écoute, il n'y a pas de problème. Elle vient de t'envoyer un message, c'est ça? Non, non, elle est sur le chemin. Je sais pas si elle m'écoute, donc c'est pour lui passer un petit. Comment elle s'appelle? Ingrid. Ingrid, très bien, bah voilà, le message est passé, Ludo, pas de problème. Voilà. Tu pourras pas lui dire ce soir, écoute, j'ai un iPod pour toi, bah non. Bah voilà. Malheureusement, c'est dommage. Mais enfin, en tout cas, c'est bien essayé. On a déjà un iPhone 5, donc on a pas à se faire. Oh, bah ça va, tranquille. Bon, bah Ludo, ça passe va. Une bonne journée en tout cas, l'écoute de Fun. Également. Allez, à bientôt, ciao à toi. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. Bon, on y va, c'est parti, question existentielle. On va donc appeler maintenant, hein, comme d'habitude, pour tenter d'avoir une réponse à cette question. La question est la suivante. En fait, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que les cyclopes faisaient pour regarder les films en 3D, puisqu'ils n'ont qu'un œil. Bah oui, c'est ça, donc forcément. On a appelé tout à l'heure à Saint-Vaast, on a malheureusement pas eu de réponse, c'est bien dommage. Non. Et donc, j'ai même pas pu poser ma question, bah, c'est scandale. C'est ça, donc là on va appeler à Froyenne. Okay. Allons-y. Allez, c'est parti. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je vous écoute. Oui, voilà, je vous appelle parce que j'avais une petite question à vous poser. Vous êtes qui là? Je suis Toff, et vous? Comment? Je suis Toff, et vous? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais si je vais raccrocher. Mais attendez, je ne vous ai pas encore posé la question. Bah là, allez-y, alors dépêchez-vous. Oui, voilà, en fait, je me demandais si est-ce que vous pensez que pour prendre de la hauteur, il fallait mettre des talons. Voilà, au revoir, monsieur. Allez, c'est parti. Bon, bah, malheureusement, un échec total. Hein. Ouais. Ah bah oui, non. Oui, c'est bien dommage. Il avait l'air un peu énervé, monsieur Froyenne. Hein. On le rappelle plus? Bah si, comment? Bah non, il avait l'air un peu énervé. Allez. Non. Non, allez. Non. J'ai décidé de. À partir d'aujourd'hui, c'est demain, c'est le 1er décembre. C'est bientôt Noël, j'ai décidé qu'on allait arrêter d'emmerder les gens. Bah t'es juste pas crédible, quoi. Enfin, en tout cas, allez. J'essaye. Juste cette fois-ci, quoi. Non. Non, je. Non, allez. N'insistez pas. N'insistez pas, madame. Mais enfin. N'insistez pas, vous allez d'abord me nettoyer cette vilaine peau. Et après, vous pouvez. Vous pourrez vous permettre. C'est pas possible, ça. Oh, c'est on peut plus rire maintenant, hein. Oh, c'est bon, hein. C'est terminé maintenant, hein. Bon. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. 0473-86-0013, c'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous croisez un relou, vous l'envoyez sur le numéro de la ligne anti-relou. C'est pas compliqué. Et voici ce que vous avez certainement réussi à éviter. C'est à beau avoir 40. Oula, pardon, attends, une petite erreur. Voilà. C'est quoi là? Parce que on est sur le chantier, mais tu viens pas, ça fait au moins une demi-heure là. On va faire comment pour travailler maintenant? C'est toi qui as la camionnette avec les outils. On fait quoi maintenant? À tout à l'heure. Oh, t'es au chômage technique là du coup, là, c'est bien. Bah oui, rien. Quand t'es au chômage technique, le mec il est pas venu avec la camionnette. Deuxième message. Salut Marie. Oui, c'est moi. Bon, mais je t'appelle pour te dire que moi là, ça me dérange pas. Hein. Tu sais, t'as beau avoir 47 ans et moi 22. Donc voilà, dès que t'as mon message, ben, tu me rappelles. Et là, c'est un peu en cul. C'est jour. Allez, ciao. Il a quand même pas une boîte de 40 machin là. Mais non, lui il en a 22. C'est elle qui en a 47. Okay, elle n'a rien compris comme elle. Tous les matins, 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Fun.